avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur temps, les jours anciens de ta fidélité. Par ta main, tu as chassé des nations pour planter ton peuple dans le pays. Tu as brisé des peuples pour les étendre. Tu as donné la victoire à tes amis. Ce n'est ni par leur épée qu'ils ont conquis, ni par leurs bras qu'ils furent sauvés, mais par ta droite, ton bras, la lumière de ta face, parce que tu les aimais, tu les gardais. Tu es mon roi, oh Dieu, ordonnant les délivrances de Jacob. Par toi nous renversons nos ennemis. Par ton nom nous écrasons ceux qui se dressent contre nous. Semble. Pourtant tu nous dors-tu? Lève-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Relève.